Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous nous repentons à lui. Alors dans Khutbat al-Haja, c'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait dit « wa natubu ilayh » et nous nous repentons à lui. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos propres âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu légitime à part Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Qu'Allah le vante ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence jusqu'au jour de la rétribution. Ceci étant dit, voici des assises consacrées au mois béni de Ramadan, englobant de nombreuses règles relatives au jeûne, au siyam, à la prière nocturne, le qiyam, et à l'aumône légale, à zakat, ainsi que d'autres thèmes appropriés à ce mois vertueux. Je les ai organisés sous forme d'assises quotidiennes ou nocturnes. J'ai sélectionné une grande partie de ces sermons du livre « Qurratul Uyun al-Mubsira bitalkhis kitab al-tabsira » tout en y apportant des modifications nécessaires. J'y ai multiplié l'évocation des règles juridiques et des convenances éthiques en raison du besoin des gens à cet égard. J'ai intitulé cet ouvrage « Majalis Shahr Ramadan » les assises du mois de Ramadan. Ce livre a déjà été édité à plusieurs reprises. Par la suite, j'ai jugé bon d'y ajouter de brèves annotations, de référencer ces hadiths, d'y insérer ce que je jugeais nécessaire d'ajouter et de supprimer ce qui me paraissait superflu. Des modifications mineures qui ne nuisent en rien à l'objectif de l'ouvrage. Je demande à Allah, le Très-Haut, de rendre notre œuvre sincèrement vouée à sa face et d'en faire une source de profit, car il est certes généreux et noble. Première assise sur les mérites du mois de Ramadan. Louange à Allah, celui qui a instauré et façonné toutes choses, qui a créé l'eau et le sol, et qui a inventé et multiplié chaque créature. Rien n'échappe à son regard, pas même la plus petite fourmi cheminant dans l'obscurité de la nuit, pas même le poids d'un grain sur terre ou dans les cieux ne se dérobe à sa science. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta thara, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre deux, et ce qui est sous le sol. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, il n'y a pas de divinité digne d'adoration à part lui. À lui appartiennent les noms les plus beaux. Il a créé Adam, l'a éprouvé, puis l'a élu, a accepté son repentir et l'a guidé. Il envoya Nuh, qui construisit le navire par l'ordre d'Allah et vogua sur les flots. Il sauva l'ami intime, Ibrahim, du feu, dont la chaleur devint pour lui fraîcheur et préservation. Tirez donc une leçon de ce qui advint. Il a doté Moussa de 9 signes évidents, mais Pharaon ne s'en est point rappelé et ne s'est point repenti. Il soutint Isa par des miracles qui éblouirent l'humanité, et il révéla le livre à Mohammed, contenant les preuves claires et la guidance. Je le loue pour ses bienfaits qui ne cessent de se succéder. Je demande à Allah Azzawajal de préserver et de vanter son prophète Mohammed, envoyé à la mère des cités, Makkah. Qu'Allah le vante ainsi que son compagnon dans la grotte, Abu Bakr, sans l'ombre d'un doute, et Omar, l'inspiré dans son jugement, qui voyait par la lumière d'Allah. Abu Bakr qui a fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été préservé dans la grotte sans que les koufars le voient, alors qu'ils étaient juste devant eux. Et Omar l'inspirait, le mulham. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait dans les communautés précédentes des gens inspirés. Mulhamoun, muhaddathoun. Et il a dit, fa in kana fi ummati ahad fa Omar. S'il y en a un dans ma communauté, ça sera Omar. Il dit ensuite, et Othman, l'époux de ses deux filles. Une histoire qui n'est point un récit fabriqué. Ainsi que son cousin Ali, mère des sciences et lion de la forêt. Qu'Allah vante et préserve également le reste de sa famille et de ses compagnons, dont les vertus se sont répandues parmi les hommes. Mes frères, un mois généreux et une saison grandiose s'approche de nous, une période durant laquelle Allah démultiplie les récompenses et dispense ses dons avec largesse. Il y ouvre les portes du bien à quiconque le désire. C'est le mois des bienfaits et des bénédictions, le mois des faveurs et des dons. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. C'est un mois entouré de miséricorde, de pardon et d'affranchissement de l'enfer. Son début est miséricorde, son milieu est pardon et sa fin est affranchissement de l'enfer. Ses vertus sont célèbres et les récits à son sujet sont notoires. Il est rapporté dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iza ja'a ramadhan, futtihat abwabu al-jannati wa ghulliqat abwabu al-nar wa suffidat al-shayatin » Lorsque vient le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Certes, les portes du paradis ne s'ouvrent durant ce mois qu'en raison de l'abondance des œuvres pieuses et pour encourager ceux qui les accomplissent. Les portes de l'enfer se ferment car les péchés des croyants se font rares. Et les diables sont enchaînés et entravés, ne pouvant ainsi parvenir à ce qu'ils atteignent d'ordinaire en dehors de ce mois. L'imam Ahmed a également rapporté d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors je vais lire en français la traduction, le hadith est faible. 5 caractéristiques ont été accordées à ma communauté durant Ramadan, qu'aucune autre communauté avant elle n'avait reçue. La laine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du misc. Le misc en arabe, et ils disent musc en français, ils ont remplacé la kasra par un U. Les anges demandent pardon pour eux jusqu'à ce qu'ils rompent leur jeûne. Allah embellit son paradis chaque jour en disant « Mes serviteurs vertueux sont sur le point de se décharger de leur fardeau et de leur peine pour venir à toi. » Les démons rebelles y sont enchaînés de sorte qu'ils ne peuvent atteindre ce qu'ils atteignaient ailleurs. Et il leur est pardonné lors de la dernière nuit. On demanda au messager d'Allah « Est-ce la nuit du destin, Laylat al-Qadr ?» Il répondit « Non, mais l'ouvrier ne reçoit sa récompense que lorsqu'il achève son travail. » Cheikh Al-Othamin a dit en note que c'est rapporté par Al-Bazzar Al-Bayhaqi et que la chaîne de transmission est très faible, mais que certaines parties ont des shawahid authentiques. Il dit ensuite « Mes frères, Allah a réservé pour vous ces 5 caractéristiques. Il vous en a gratifié à l'exclusion de toutes les autres nations. » Donc ça, on a vu que le hadith est faible, donc l'exclusion des autres nations par rapport à ce qui est cité, ça demande un dalil. Et il vous a comblé de sa grâce afin de parfaire ses bienfaits sur vous. Et combien les bienfaits et les faveurs d'Allah envers vous sont nombreux. Antum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. La première caractéristique donc de ce hadith, c'est que la laine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du misc. Le terme al-khulouf ou al-khalouf en arabe désigne la modification de l'odeur de la bouche lorsque l'estomac est vide de toute nourriture, c'est-à-dire la mauvaise haleine. C'est une odeur que les gens trouvent désagréable, mais auprès d'Allah, elle est plus suave que le parfum du misc, car elle provient de l'adoration d'Allah et de son obéissance. Et le misc est cité dans le hadith car c'est la meilleure odeur sur terre. Tout ce qui découle de son adoration et de son obéissance est aimé de lui, subhanah, et il en compense l'auteur par ce qui est meilleur, plus excellent et plus pur. Ne voyez-vous pas le martyr qui est tué sur le sentier d'Allah pour que la parole d'Allah soit la plus haute? Il viendra le jour de la résurrection avec sa blessure laissant jaillir du sang. Sa couleur sera celle du sang, mais son odeur sera celle du misc. Et le jour du jugement, les gens viendront pour qu'on voie leurs actes. C'est-à-dire celui-là, on verra. Allah, il fera que sa blessure est toujours là pour qu'on voit qu'il a été dans le sentier d'Allah, Azzawajal, et qu'il a combattu et qu'il a été tué dans le sentier d'Allah. Comme également les mu'addin qui auront les coups les plus longs, le jour du jugement, etc. Dans le bien et dans le mal, tous verra le jour de la rétribution. Comme celui qui a volé une terre et qui portera les 7 terres de ce qu'il a volé sur lui au Malqiyama, ou celui qui n'a pas payé la zaka, qui sera à l'image d'un serpent sur lui, tous verra. Il dit ensuite, de même durant le hajj, Allah se vante de ceux qui se tiennent à Arafat auprès des anges en disant, « Regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi, échevelés et couverts de poussière. » Échevelés, c'est décoiffé. Rapporté par Ahmed et Ibn Hibban dans son Sahih. Or, l'aspect échevelé n'est aimé d'Allah en ce lieu que parce qu'il provient de l'obéissance à Allah, par l'évitement des interdits de l'état de sacralisation, yahram, et le délaissement du confort matériel. La deuxième caractéristique, c'est que les anges demandent pardon pour eux jusqu'à ce qu'ils rompent leur jeûne. Or, les anges sont des serviteurs honorés auprès d'Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'il leur a ordonné. Et ceci démontre que Iblis n'était pas un ange, comme prétendent les chrétiens. Mais c'était un djinn et le père des djinns, qu'Allah a créé de feu. Il dit, ils sont donc tout à fait dignes de voir Allah exaucer leurs invocations en faveur des jeûneurs dès lors qu'il leur en a donné la permission. Et si Allah a permis aux anges de demander le pardon pour les jeûneurs de cette communauté, c'est pour mettre en avant leur rang, élever leur mérite et démontrer la vertu de leur jeûne. Demander le pardon signifie solliciter la rémission des péchés, laquelle consiste en la dissimulation des fautes ici-bas et dans l'au-delà, ainsi que l'absolution de celles-ci. Et c'est là l'une des requêtes les plus nobles et l'une des finalités les plus hautes, car tous les fils d'Adam sont des pécheurs commettant des excès envers eux-mêmes. Et ils sont tous dans un besoin impérieux du pardon d'Allah, puissant et majestueux. Et je rajoute le hadith d'Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imam al-adil wa sa'imu hatta yuftir wa da'wat al-madhloum » Donc trois personnes, leur invocation n'est pas rejetée. Le dirigeant juste, le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, et l'invocation de l'opprimé. Et le hadith a été cité par Cheikh Morbil dans As-Sahih al-Musnad et l'a jugé Hassan. Donc le jeûneur, son invocation est exaucée, n'est pas rejetée durant toute la durée de son jeûne, du suhoor jusqu'à l'iftar le soir. La troisième caractéristique, c'est qu'Allah embellit chaque jour son paradis et dit « Mes serviteurs vertueux sont sur le point de se décharger de leur fardeau et de leur peine pour venir à toi. » Ainsi Allah Azza wa Jal embellit son paradis chaque jour afin de le préparer pour ses serviteurs vertueux et de les inciter à l'atteindre. Sa parole sont sur le point de se décharger de leur fardeau et de leur peine signifie les charges de la vie d'ici-bas, sa fatigue et ses tourments, afin qu'ils s'appliquent avec zèle aux œuvres pieuses qui feront leur bonheur ici-bas et dans l'au-delà, et qui leur permettront d'accéder à la demeure de la paix et de l'honneur. La quatrième caractéristique, c'est que les démons rebelles sont enchaînés avec des chaînes et des carcans. Ainsi, ils ne peuvent atteindre leur but auprès des serviteurs vertueux d'Allah, à savoir les égarer de la vérité et les décourager de faire le bien. C'est là une aide qu'Allah leur accorde en emprisonnant leur ennemi, celui-là même qui appelle ses partisans à devenir des compagnons de la fournaise. C'est pour cette raison que l'on trouve chez les vertueux durant ce mois un désir pour le bien et un détournement du mal plus intense qu'en tout autre temps. La cinquième caractéristique, c'est qu'Allah pardonne à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la dernière nuit de ce mois, dès lors qu'ils ont accompli ce qu'il convient d'accomplir durant ce mois béni comme jeûne et prière nocturne. C'est une faveur de sa part, Azza wa Jal, consistant à parfaire leur récompense à l'achèvement de leurs œuvres, car l'ouvrier ne reçoit son plein salaire qu'une fois sa tâche terminée. Allah Azza wa Jal a comblé ses serviteurs de cette récompense sous trois aspects. Le premier aspect, il a légiféré pour eux des œuvres pieuses qui sont des causes d'absolution de leurs péchés et d'élévation de leur rang. S'ils ne les avaient pas légiférées, ils n'auraient pu l'adorer par celles-ci, car l'adoration ne se puise que dans la révélation d'Allah à ses messagers. C'est pourquoi Allah a blâmé ceux qui légifèrent en dehors de lui, considérant cela comme une forme de shirk, d'association, en disant أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْدَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ou bien auraient-ils des associés qui auraient établi pour eux une religion, qui auraient légiféré pour eux une religion qu'Allah n'a jamais permise, si ce n'était la parole décisive, tout cela aurait été tranché entre eux, certes les injustes auront un châtiment douloureux. Donc la base simple à connaître pour l'adoration d'Allah Azzawajal, c'est qu'on adore Allah Azzawajal que par ce qu'il a légiféré par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le second aspect, il leur a accordé la réussite pour accomplir ses bonnes œuvres, alors que beaucoup de gens les ont délaissés. Sans l'aide d'Allah et son assistance, ils ne les auraient pas accomplis. C'est donc à Allah seul qu'appartiennent la grâce et le mérite pour cela. Lorsque le serviteur fait le bien, c'est par tawfir d'Allah Azzawajal, c'est par l'assistance d'Allah Azzawajal qui lui a permis de faire ce bien. Yamunnuna alayka an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Il te rappelle leur conversion à l'islam comme une faveur. Dis, ne me rappelez pas votre conversion comme une faveur. C'est plutôt Allah qui vous a fait une faveur en vous guidant vers la foi, si jamais vous êtes sincère. Le troisième aspect, c'est qu'il a fait preuve de largesse en accordant une récompense immense, la bonne action étant multipliée par 10, jusqu'à 700 fois, voire bien plus encore. Ainsi, la grâce provient d'Allah, tant pour l'œuvre accomplie que pour la rétribution qui s'ensuit. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et j'ajoute que le jeûne ne rentre pas là-dedans, car Allah Azzawajal a dit « Illa saum fa'innahu li wa ana izibi ». Toutes les œuvres du serviteur sont à lui. Elles sont ses œuvres avec lesquels il viendra Yom al-Qiyama, sauf le jeûne qui est à Allah Azzawajal et qui rétribuera. Donc le jeûne a cette différence énorme par rapport aux autres actes de bien et de piété de l'islam. Il dit ensuite, mes frères, atteindre le mois de Ramadan est un immense bienfait pour celui qui y parvient et qui s'acquitte de ses devoirs en revenant vers son Seigneur, passant de la désobéissance à l'obéissance, de l'insouciance au rappel, de l'éloignement au repentir sincère. Ensuite, il cite un poème dont la traduction est « Ô toi que les péchés commis en Rajab n'ont point suffi, au point de désobéir à ton Seigneur au mois de Charban, voici que le mois du jeûne te recouvre après ces deux-là, n'en fais donc pas à son tour un mois de désobéissance. Récite le Coran et glorifie ton Seigneur avec ferveur, car c'est assurément le mois des glorifications et du Coran. Combien en connaissais-tu qui jeûnaient par le passé, parmi tes proches, tes voisins et tes frères? La mort les a emportés, mais elle t'a épargné après eux. Te voilà vivant, ô combien ce qui semble lointain est proche. Ya Allah, éveille-nous des sommeils de l'insouciance, accorde-nous la réussite pour nous provisionner de piété avant le grand voyage, accorde-nous de saisir les opportunités tant qu'il nous est accordé un délai, et pardonne-nous, ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah préserve et vante notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.